Ah, oh, putain, je suis pas un poète, même pas une mauvaise graine, un empêcheur de semer la gêne, un égypan à cornes et aigrettes. Plus personne ne me sonne, le silence s'est installé et Cypris m'abandonne. Ma baraka s'en est allée. Où sont les bonnes chères, les contrats d'abondance, les clients altérés de chimères, d'ambitions, de bombances? C'est à croire qu'ils ont éradiqué les licornes et les blattes, les moutons à cinq pattes, tout ce qui me faisait rêver. Je ne suis plus le danseur d'étoiles que j'étais. Le chantre des pharisiens mal baisés et que leurs dames endimanchées considéraient mieux qu'un balai à trois poils.